Mes chers bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment avec plaisir que je vais partager avec vous une petite exhortation. Bien-aimés, je fais cette exhortation en même temps pour répondre aux questions de certaines personnes. Parce qu'il y a, des gens qui m'ont appelé, comme tout dernièrement, une personne qui me disait « Frère, bon, mes filles aujourd'hui ont repris avec les boîtes de nuit. » Parce que à force d'entendre dans les vidéos qu'il y a des faux hommes de Dieu, à force d'entendre ça, finalement, elles se disent « Mais au final, ils sont tous pourris, donc la peine ne vaut de repartir dans une église. » Elle dit que c'est pourquoi ces filles aujourd'hui, étant assises à la maison, ont repris avec les boîtes de nuit. Parce qu'elles se disent, ça ne sert à rien d'aller dans une église, parce qu'il n'y a que des faux partout. Bon, moi je voudrais dire, bien-aimés, vous connaissez cette parole, cet entretien de Jésus avec Pierre, Simon Pierre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Jésus va poser une question à Simon Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond, je t'aime, Seigneur. Et Jésus va répéter ça trois fois. Et comme Pierre répond en disant, je t'aime, Seigneur. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Simon Pierre, si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis. Paie mes brebis, Simon. Si vraiment tu m'aimes, Simon Pierre, prends soin de mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Ça, c'est ce que Jésus dit à Simon Pierre. Moi, je crois que Dieu est un Dieu responsable. Parce que dans notre vie active, un homme irresponsable, c'est quelqu'un qui fait des enfants de gauche à droite et il ne s'en occupe même pas. C'est un irresponsable. Dieu est notre papa. Dieu est un Dieu responsable. C'est pourquoi je crois que quel que soit là où tu te trouves, quelle que soit la ville, la région, Dieu a suscité à cet endroit-là un Simon Pierre pour paître ses brebis. Je dis ça pourquoi? Il y a une femme qui m'appelle de Bordeaux. Bien-aimée, je suis prête à prendre le TGV pour venir te trouver à Paris. On va prier ensemble. Je lui ai dit, ma soeur, Bordeaux, c'est une grande ville. Tu ne vas pas me dire qu'à Bordeaux, il n'y a pas une berger là-bas. Oh, bien-aimé, j'ai déjà été dans quatre églises. Ce ne sont que des commerçants. Ils ne parlent que d'argent. C'est pourquoi je suis assise à la maison. Je lui ai dit, ma soeur, il y a beaucoup de brebis du Seigneur à Bordeaux. C'est une grande ville. Et moi, je crois que là où il y a les brebis de Dieu, Dieu suscitera toujours à cet endroit un Simon Pierre pour paître ses brebis. Dieu le fera. Ce Simon Pierre existe là. C'est vrai qu'il y a des milliers et des milliers de faux hommes de Dieu. Oui, mais Simon Pierre existe parce que Dieu sait qu'il a ces brebis là. Je vais lire dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1. C'est l'apôtre Paul qui parle. Paul dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Paul dit, je vous donne le lait parce que vous êtes encore des bébés. Je vous donne le lait parce que vous êtes encore charnel, vous êtes encore des enfants. Je ne peux pas vous donner de la nourriture solide. Parce que Paul qui est le berger, il sait que les bébés qui viennent de naître ont besoin de lait. Ils n'ont pas encore de dents pour manger de la nourriture solide. Et Paul dit, je vous donne le lait. Toi qui viens de se convertir, où que tu sois, tu es encore bébé. Tu as besoin de lait. Tu as besoin d'un Simon Pierre. Tu as besoin de Paul pour te donner pour que tu puisses grandir spirituellement. Mais si tu restes assis à la maison, si tu dis je ne veux plus mettre pied parce que j'ai ma Bible, ça me suffit, mais tu risques de retourner dans les boîtes de nuit comme ces deux filles-là. Je crois que dans ta ville, dans ta région, Dieu a suscité un Simon Pierre pour paître les brebis. Parce que Dieu sait que le nouveau-né a besoin de lait. C'est pourquoi Paul donnait le lait, parce qu'il avait affaire à des bébés. Tu viens de te convertir. Tu viens de naître de nouveau. Tu as besoin d'être nourri par un berger. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. Quel conseil je te donne, ma soeur, toi qui es à Bordeaux, tu as fait 4 églises et tu as trouvé que c'est des commerçants, ils ne parlent que de l'argent. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais je suis sûr que si tu mets tes genoux par terre, si tu dis Père, il y a un Simon Pierre ici, dans cette ville, que tu as suscité. Seigneur, conduis-moi vers ton berger. Conduis-moi vers ton serviteur. Dieu va le faire. Parce que la Bible dit, demandez, on vous donnera. On ne peut pas invoquer le nom de Dieu sincèrement sans réponse de la part de Dieu. Je dis bien sincèrement. Il y a un Simon Pierre là. Bordeaux, c'est une grande ville. Il y a beaucoup de brebis du Seigneur. Dieu ne peut pas les abandonner comme ça. Il va susciter un Simon Pierre dans le coin pour paître ses brebis. Donc la solution, c'est de ne pas rester à la maison. C'est pas ça. Parce que la chair va reprendre le dessus et tu vas retourner à la cigarette, tu vas retourner au bois de nuit, tu vas retourner à l'alcool. Tu as besoin d'un berger. C'est pourquoi Jésus a demandé à Simon Pierre de paître ses brebis. Parce qu'il y a des gens qui raisonnent, ah ouais, moi on a notre Bible, ça nous suffit. Vous croyez que quand Jésus dit à Pierre, paie mes brebis, Jésus ne savait pas qu'on aura des Bibles? Je vais lire un peu dans Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, bien-aimé, Éphésiens chapitre 4, je vais lire au verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est Dieu qui suscite des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Dieu le fait encore. Dieu continue à le faire aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu suscités par Dieu. Ça existe. Ce n'est pas parce qu'il y a des milliers de faux hommes de Dieu que le vrai homme de Dieu n'existe plus. Le vrai existe. Donc, ce que je te conseille, ma soeur, toi qui es à Bordeaux, tu m'as posé la question. Tu es prête à prendre le TGV pour venir me trouver à Paris? Moi, je te dis, Paris, c'est loin. Tu n'es pas obligé. Il y a un berger là-bas à Bordeaux. Il y a un berger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu mets tes genoux par terre, tu pries Dieu. Seigneur, conduis-moi vers ton serviteur. Dieu va le faire. Et comme la foi, c'est l'action. La foi, c'est l'action. Si tu demandes du travail à Dieu, Seigneur, je suis au chômage. Oh Seigneur, je veux travailler. La foi, c'est l'action. À partir du moment où tu as déjà demandé à Dieu, lève-toi. Commence à aller passer des entretiens d'embauche. Envoie des CV partout. Lève-toi. La foi, c'est l'action. Donc, si j'étais toi, ma soeur de Bordeaux, moi, je vais prier. Seigneur, il y a sûrement ton serviteur ici. Conduis-moi vers ton serviteur. Alors, je me lève. Parce que la foi, c'est l'action. S'il y a 100 églises, s'il y a 100 églises à Bordeaux, moi, je vais faire le tour. Parce que je m'en vais dans cette église ce dimanche. Le Saint-Esprit va me convaincre que là, tu es au mauvais endroit. L'autre dimanche, je m'en vais dans l'autre église. Le Saint-Esprit, quand tu arriveras au bon endroit, Dieu va te convaincre là, mon fils, ma fille, celui-là, c'est mon serviteur. Dieu sait qu'il a des brebis. Quelle que soit la ville où tu te trouves, il y a un Simon Pierre là, un Simon Pierre. Les vrais enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas nombreux, mais ils existent. ils existent. Bien-aimés, dans la vie active, il y a parfois, vous avez entendu parler, parfois, de faux billets de banque. Des faux billets de banque qui sont en circulation. Frère, ce n'est pas parce que les faux billets de banque existent qu'un vrai billet de banque n'existe pas. Attention, il ne faut pas aller à l'extrême. Il y a des faux billets, oui, mais le vrai billet de banque existe aussi. Les faux hommes de Dieu, oui, ils sont nombreux. Je suis prêt à dire, sur 100 hommes de Dieu aujourd'hui, il y a peut-être 2 sur 100 qui sont des vrais hommes de Dieu. Je reconnais qu'aujourd'hui, Satan a envahi les lieux de culte avec des sorciers déguisés en hommes de Dieu, des magiciens en hommes de Dieu, oui. Ça existe, mais le vrai homme de Dieu existe aussi. Tu n'es pas obligé de quitter Bordeaux pour venir à Paris. Il y a sûrement un Simon Pierre à Bordeaux. Dieu peut te conduire vers Simon. Il faut lui demander, Seigneur, conduis-moi vers Simon Pierre. Parce que sa mission, c'est de paître les brebis. L'apôtre Paul donne le lait à des nouveaux chrétiens, des bébés. Il y a des bébés. Il y a des bébés chrétiens dans ta ville. Dieu ne va pas les abandonner comme ça sans susciter un Simon Pierre. Fais le tour. Prie et tu fais le tour. Dieu va te convaincre que là. Celui-là, c'est mon serviteur. Parce qu'il faut que tu sois nourri. Parce que si tu vas rester à la maison, alors que tu as besoin du lait pour croître, pour grandir, pour le perfectionnement des saints, comme la Bible dit dans Éphésiens. Mais comment tu vas faire? Il n'y a pas un Simon Pierre pour paître les brebis? Et qu'est-ce qui va arriver? Mais le refroidissement, on reprend la cigarette, on reprend les boîtes de nuit, on reprend le copain, la copine, l'alcool. Parce que tu dois grandir, il faut qu'on te donne la nourriture. Et c'est ce que Paul faisait. Les faux hommes de Dieu sont nombreux. Oui, le diable les a envoyés dans les lieux de culte pour semer la confusion. Ils font des miracles. Pourquoi? Regardez en Égypte. Dieu, pour parler à Pharaon, il utilise Moïse. Et Dieu fait des miracles par Moïse, des miracles. Le diable dit, ouais, moi aussi je peux faire des miracles. Et le diable fait des miracles aussi par les marabouts de Pharaon. Pharaon regarde du côté de Moïse, il voit les miracles. Pharaon regarde du côté de ses marabouts, il voit les miracles. Mais Dieu soit loué, parce que le diable n'est pas égal à Dieu, parce que Dieu a vaincu Satan. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a des miracles du côté de Moïse et du côté des marabouts de Pharaon. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le diable a envoyé dans les lieux de culte ses serviteurs, des agents du diable, qui opèrent aussi des miracles. Jésus dit, ils feront des miracles et des prodiges pour séduire le maximum de personnes. La séduction. Et c'est pourquoi vous allez voir ces serviteurs, les serviteurs du diable. Ils affichent des vidéos sur Internet pour séduire le maximum de personnes. Et ça marche. Il y a des gens qui voyagent du bout du monde pour venir les voir. Et quand tu vas venir le voir, on va te demander le pognon. Il y a l'argent. On va te dire, on va bâtir l'hôtel. Pose l'argent. On va te dire, il faut une offrande pour que ça marche. Ce que tu veux là, il faut une offrande d'abord. Sans offrande, on ne fait rien. L'abomination. Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. La Bible dit, le vrai berger, c'est la 100 brebis. Il regarde comme ça, il y a une brebis qui manque. Il va laisser les 99 pour aller chercher la brebis qui n'est pas là. Parce qu'il a l'amour des brebis. Il sait que Dieu m'a donné 100 brebis, j'aurai des comptes à rendre pour ces brebis-là. Il le sait. Il attend une récompense de la part de Dieu. Sa récompense, ce n'est pas ton salaire. Ce n'est pas ta paye. Ce n'est pas ta poche. Ce n'est pas ton porte-monnaie. Le faux homme de Dieu n'attend rien de Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Sa bénédiction dépend de ta poche. Sa bénédiction dépend de ton porte-monnaie. Parce que quand tu iras le voir, lui ne parle que d'argent. On va bâtir l'autel. Pose de l'argent. Tu veux une prière, une offrande d'abord. Il ne demande que de l'argent parce qu'il n'attend rien de Dieu. Dieu ne l'a jamais envoyé et il le sait. Il est conscient au-dedans de lui qu'il n'est pas un homme de Dieu. Il le sait. C'est pourquoi il demande l'argent. Le vrai homme de Dieu attend de Dieu, pas sur les brebis. Mais le faux, le loup, il entre au milieu des brebis, il se déguise pour bien profiter des brebis. C'est pourquoi nous faisons des vidéos, pour vous aider à discerner, parce que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Donc, bien aimé, l'heure est arrivée où nous devons être vigilants. Il y a une Gabonaise, une femme qui vient me voir ici. « Mon frère, tu fais quoi demain ?» Je dis « Non, je suis chez moi. »« Pardon, j'ai envie de venir te voir. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai été voir à Lille Jean-Pierre Makanzou. J'ai été le voir. Depuis qu'il m'a imposé les mains, je suis comme envoûté. Je ne me sens plus bien. Je viens te voir demain, on va prier. Je lui ai dit « Mais attends, quand tu es allé le voir, tu n'as pas vu la bague au doigt ?» J'ai pas fait attention, frère. Ah bon? Vous vous rendez compte? Ils sont équipés des mouchoirs blanches, des mouchoirs noirs, des mouchoirs rouges, des mouchoirs magnétisés, des mouchoirs travaillés. Ils ont des bagues qui ont été très bien travaillées, des bagues dotées de pouvoir occulte. Ils ont des huiles qui ont été travaillées. On a fait des incantations sur ces huiles-là. Il y a des démons qui sont liés à ces huiles. Ils appellent ça huile d'onction. Si tu amènes ça dans ta chambre, un, ta situation ne va pas changer. Deux, tu auras des maris et des femmes de nuit la nuit. Parce qu'il y a des démons dans ce huile-là. L'heure est arrivée où le diable a décidé d'attirer les brebis de Jésus par la séduction des miracles et des prodiges. C'est Jésus qui le dit. Il va attirer les élus. Il va attirer les brebis. Il va essayer de les séduire par les miracles et les prodiges. Matthieu 24. C'est ce qui se passe. Vous avez des gens qui font des voyages. Ils prennent des chambres d'hôtel parce qu'ils viennent voir le gourou, le faiseur de miracles. Il est équipé de bagues occultes. On ne fait même pas attention à ça. Mais si tu vas lui donner ta tête, s'il te touche, les puissances démoniaques liées à sa bague vont faire quelque chose sur ton âme. Ça se passe spirituellement. Même si toi, tu retournes chez toi, mais quelque chose a été fait sur ton âme au moment où il t'a touché. Je vais lire un passage biblique. Je vais lire dans le livre de Genèse. Vous allez entendre ce que le diable dit. Genèse 14. La Bible dit, le roi de Sodome, vous savez très bien que le roi de Sodome, c'est le diable. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends toutes les richesses. Au verset 22, Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Le diable dit à Abraham, Abraham, prends les richesses. Et donne-moi les personnes, donne-moi les âmes. Abraham a refusé. C'est ce qui se passe entre le faux serviteur de Dieu et le diable. Satan gagne les âmes. Le faux serviteur de Dieu gagne les richesses. Satan a dit à Abraham, donne-moi les âmes, les personnes, c'est ce qui m'intéresse. Les richesses, c'est à toi. Ta part dans l'affaire, ta part Abraham. Ta part avec moi. tu as les richesses et tu me donnes les âmes. Le faux serviteur de Dieu, il s'en fout des âmes. Ce qui l'intéresse, c'est le pognon. Le diable dit à Abraham, toi tu vas avoir les richesses. Ok, dans l'affaire là, moi j'ai les âmes, tu me donnes les âmes. Tu me donnes les âmes. Et toi tu prends les richesses. C'est ce qui se passe. Le faux serviteur de Dieu a derrière lui son maître, Satan. C'est Satan qui fait les miracles par lui, comme le même Satan faisait des miracles par les marabouts de Pharaon en Égypte au temps de Moïse. C'est le même diable. C'est lui qui est derrière le faux homme de Dieu. C'est pourquoi le faux homme de Dieu travaille avec un dispositif magique, des bagues occultes, des chevalières, des huiles soi-disant onction pour tromper les gens, les mouchoirs magnétisés, il a tout un dispositif, des trucs qui sont liés à des démons. Quand ce mouchoir te touche, tu es en transe. Quand ce mouchoir te touche, tu tombes par terre. Quand il t'impose la main, la bague est là, il te touche, tu es en transe. C'est des puissances démoniaques. C'est le diable qui est en train de travailler. C'est pas Dieu. Jésus-Christ n'a jamais porté une chevalière. Jésus-Christ n'a jamais porté une bague. Aucun disciple de Jésus agissait un mouchoir. Aucun disciple de Jésus portait une bague au doigt. J'ai un oncle. Il est dans la franc-maçonnerie depuis plus de 30 ans. C'est un grand monsieur. Lui, il a toujours sa grosse chevalière au doigt. Oui, les chevaliers sont des bagues occultes. C'est les personnes qui fréquentent les loges qui portent les chevalières. L'homme de Dieu fait quoi avec les chevaliers au doigt? Enfant de Dieu, posez-vous des vraies questions. Vous ne voyez pas des bagues? Pourquoi vous ne vous posez pas de questions? Un homme de Dieu fait quoi avec des bagues occultes au doigt, des bagues? Ce sont des magiciens qui portent des bagues. Ce sont des francs-maçons qui portent les bagues. L'homme de Dieu fait quoi avec les bagues au doigt? Ouvrez les yeux, regardez les doigts de celui qui est en face de toi. Parce que quand il va te toucher, les démons liés à la bague vont faire quelque chose sur ton âme. Et tu seras envoûté. C'est pourquoi tu lui donnes ton argent. C'est pourquoi tu ne réfléchis même plus. Quand il dit 1000 euros, tu te lèves. Je veux 500 euros, tu te lèves. Tu es déjà sous le contrôle de cette puissance démoniaque. Tu n'es plus maître de toi-même. Les démons contrôlent déjà ta pensée. Satan a dit à Abraham, le diable n'a pas changé. Le diable s'en fout de tes voitures. Le diable s'en fout de tes maisons. Ce qui l'intéresse, c'est les âmes. Pourquoi? Satan a juré qu'il est hors de question qu'il aille seul en enfer. Il veut amener avec lui un maximum d'individus, plusieurs personnes. Il fait les miracles pour séduire. Il fait les miracles pour attirer du monde vers lui, afin de les entraîner loin de Jésus. Quand tu es avec Jésus, Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Mais si tu sors de Jésus pour venir le trouver dans le monde, il devient ton maître. Il te contrôle, comme il contrôle les païens. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit rester qu'avec le Seigneur Jésus. Satan ne viendra pas te toucher si tu es avec Jésus, parce que le diable tremble devant Jésus. Satan n'oublie pas. Il se souvient toujours et toujours que c'est Jésus-Christ qui l'a vaincu. Il ira en enfer parce qu'il a été vaincu. C'est comme il ne peut rien faire à Jésus. Il s'acharne alors sur toute personne qui reçoit Jésus dans sa vie. Tu deviens la cible. Il dit à Abraham, Abraham, donne-moi les âmes, prends les richesses. C'est la raison pour laquelle quand Jésus fait son jeûne de 40 jours dans le désert, il était concentré dans sa prière. Quand le diable vient le trouver, il n'a jamais appelé le diable. Le diable est venu le trouver parce que le diable a regardé comme ça. Il a dit, celui-là, qu'est-ce qu'il fait là? Et lorsqu'il s'est approché, monsieur, tu n'as pas besoin de faire tout ce que tu fais là. Tu n'as pas besoin. Fléchis les genoux devant moi. Regarde les richesses du monde. C'est moi qui les donne à qui je veux. Tu n'as pas besoin de faire tout ce que tu fais là. Je te donne les richesses. Satan n'a pas changé. Que ce soit les sportifs, les grands sportifs de ce monde, que ce soit les grands musiciens de ce monde, que ce soit des hommes d'affaires de ce monde, on signe des pactes avec lui pour les richesses de la vie, en échange des richesses. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham. Tu me donnes les âmes, tu prends les richesses. Et c'est ce qu'il dit aux personnes. Tu veux être un grand musicien, donne-moi ton âme et tu auras les richesses. Tu veux être un grand sportif, tu me donnes ton âme et tu auras les richesses. Mais Abraham a dit niet. Abraham a refusé. Abraham a refusé la proposition du diable. Mais les faux hommes de Dieu, ils ont accepté. Satan travaille par ses serviteurs, les marabouts, les féticheurs, les magiciens. Quand tu vas voir un féticheur, c'est Satan qui est derrière. Sa puissance, il la puce dans la sorcellerie. Je voudrais que vous sachiez qu'il n'y a pas de nganga, de guérisseur, de marabout saint. Parce que si le chien sait attraper et poursuivre les animaux dans la forêt, c'est parce que lui-même, c'est un animal. Un guérisseur peut traquer un sorcier parce que lui aussi va dans la sorcellerie. Donc quand vous allez voir le guérisseur, il puise sa force chez le diable. C'est Satan que vous partez voir. Si vous partez voir l'apôtre Paul ou Simon Pierre, qui est derrière Simon Pierre? C'est Jésus-Christ. Donc en allant voir Pierre, c'est Jésus qui est derrière, c'est Jésus que tu vas voir. Quand tu vas voir un faux homme de Dieu, c'est Satan que tu veux voir. Parce que c'est Satan qui est derrière lui. Il utilise la puissance du diable pour faire des miracles. Et quand tu vas là, le diable qui vise ton âme, il va faire quelque chose sur ton âme. Il le fait spirituellement. Tu ne ressens rien. Mais il y a quelque chose qui se passe sur ton âme. C'est pourquoi quand tu retournes chez toi, tu n'es plus la même personne. Parce qu'il a fait quelque chose sur ton âme. Dans cette affaire, le diable gagne les âmes. Et le faux serviteur de Dieu, il gagne la gloire. Il gagne le pognon. Il a le set. Il a des jolies voitures, des jolies maisons. Toi, tu travailles du 1er au 30 pour payer son loyer. Toi, tu vas au boulot en plein hiver pour payer sa voiture, pour payer ses factures. Il est assis à la maison. Il regarde la télé pendant que toi, tu vas dans le froid travailler. Et quand tu iras le voir parce que tu as les migraines, il te dit 1500 euros, on va bâtir l'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel à bâtir, c'est un escroc. La Bible dit que Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Et il est écrit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu n'as pas d'hôtel à bâtir, qu'on arrête de te soutirer l'argent. Tu n'as pas d'offrande à donner. Le serviteur de Dieu ne vend pas les prières, le vrai serviteur de Dieu. Il ne vend pas les prières. Fuyez les vendeurs de prières, il faut les fuir, les vendeurs de prières. Mais pourquoi il vend ses prières? Pourquoi il les vend? Parce qu'il n'attend rien de Dieu, puisque Dieu ne l'a jamais envoyé. Dieu ne va jamais le bénir, parce que Dieu ne l'a jamais envoyé. Donc sa bénédiction dépend de ta poche. Sa bénédiction dépend de ton porte-monnaie. C'est pourquoi il demande l'argent. Il n'attend rien de Dieu, puisque Dieu ne l'a jamais envoyé. Un faux homme de Dieu demande et demandera toujours l'argent. Un faux homme de Dieu met toujours de l'argent en avant. C'est ça la vérité. Jésus a trouvé dans le temple en Israël des gens qui faisaient du commerce. Au lieu d'être là pour adorer Dieu, au lieu d'être là pour prier, non, c'était l'argent. Et c'est ce que vous trouvez aujourd'hui. Ils sont dans les églises, pas pour le salut des âmes, mais pour le pognon. Ils ont inventé des stratégies, des mensonges pour soutirer votre argent. Il y a un de ces faux hommes de Dieu, il a été invité, un Congolais, dans une église de la Courneuve, en région parisienne. Une sœur en Christ que je connais est allée à ce séminaire. Au moment où il priait pour les gens, parce que les gens, il y avait une ligne, les gens se mettaient les uns derrière les autres. Il y avait toute une file de personnes devant lui. Il priait pour les personnes. Quand le tour de ma sœur là arrive, hey, « Hé, toi, le Saint-Esprit me dit que ton cas est un peu compliqué. » À la fin du culte, tu me donnes ton numéro de portable, je veux un entretien approfondi avec toi parce que ton cas est un peu grave. Un menteur. Et puis à la fin du culte, la femme insupportable. Et puis, il dit à la femme, bon, ma soeur, vu qu'il est midi, je m'en vais manger, mais demain, je t'appelle, on aura un entretien, je vais prier pour toi. Le même soir, à 24h30, le téléphone de la soeur sonne. Ma soeur, c'est moi le pasteur. Je comptais m'entretenir avec toi demain, mais là, il y a un imprévu. L'église de Belgique vient de m'appeler. Je dois prendre le premier TGV le matin, le TGV de 7h. Donc, on ne pourra plus se voir demain. Et comme ton cas est grave, viens tout de suite me trouver à l'hôtel. Il a donné l'adresse, le nom de l'hôtel, le numéro de chambre. Et la soeur lui dit, homme de Dieu, bientôt 1h du matin, c'est quoi cet entretien? Il dit, viens, c'est pour ton bien. Malheur à toi si tu ne viens pas. Ce que Dieu me dit là sur toi, c'est grave. Viens, viens, viens, viens. La soeur dit, il est 1h, pasteur, dans ta chambre d'hôtel. Non, bon, de toutes les façons. Oh, le monsieur voulait la manger. Quand il priait pour les gens, ce pauvre homme de Dieu, il a regardé comme ça, il a dit, oh là là, qu'elle est belle. Parce que je vous dis la vérité, effectivement, c'est une, elle est belle. Elle est belle, je la connais. Et quand ce faux a regardé comme ça, il dit, celle-là, je vais la manger ce soir. Je vais la manger. Et il invente un mensonge. On l'appelle en Belgique. Viens me trouver, il est 1h du matin. C'est quoi cet entretien? Dans une chambre d'hôtel à 1h du matin avec une jeune fille. Il voulait la manger. Des coureurs de jupons, des menteurs. Bien-aimé, soyez vigilants. Tu vas voir un homme de Dieu qui commence à te parler d'argent, offrande. On va bâtir l'hôtel, il faut le fuir. C'est un loup. Le vrai serviteur de Dieu ne regarde pas l'argent. Il regarde l'éternel Dieu. C'est Dieu qui va le bénir. Et il ne regarde pas ta poche. Lisez un peu le ministère de Paul. Il ne demandait rien à personne. Et il travaillait. Paul travaillait de ses propres mains pour sa nourriture. Il ne comptait pas sur les brebis pour vivre. Les escrocs, Satan tous les jours. Le diable suscite des faux hommes de Dieu. Parce que la botte aujourd'hui, c'est quoi? Tu es au chômage. Je dis bien, tu es au chômage. Tu te renseignes et tu vas vers le grand marabout. Ok, monsieur, je suis venu te voir. J'ai envie d'être un homme de Dieu. Ok, moi, j'ai des huiles d'onction, j'ai les bagues, j'ai le mouchoir. Tu veux quoi? Et quel genre de ministère tu veux? Est-ce que tu veux en même temps le don de la voyance pour voir dans la vie des gens? Est-ce que tu veux que les personnes tombent en transe? Est-ce que tu veux que les gens tombent par terre? Et tu fais la demande et il te demandera un prix en fonction de ta demande. Et quand tu sors de là, tu donnes l'argent. Après, tu dis, bon, quel nom je vais prendre? Je vais prendre quel nom? Bishop, général, révérend, pasteur. Qu'est-ce que je peux prendre là comme nom? Il choisit le nom, il choisit. Il choisit. Il prend le nom qu'il veut. Et puis commence au quartier, il tombe, les gens tombent en train, il impose les mains. Et puis tout de suite, les gens courent derrière lui. Parce que les hommes suivent les miracles. Mais lui, il sait que Dieu ne l'a jamais envoyé. Il le sait. Et quand tu iras le voir, il va faire la divination, la voyance. Oh, je vois ton oncle, il a fait ça. Oh, ta femme est en train de te faire ça. Et il peut même te dire des choses vraies de ta vie. Ça ne doit pas t'étonner. Une sorcière qui était habitée par un démon de Python, le démon de serpent. Ce démon-là a vu Paul et sa délégation passer. Et le démon criait par la bouche de la femme. Ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que ce que ce démon disait était vrai? Oui, Paul est bien homme de Dieu. Paul annonce la voie du salut. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parlait par la bouche de cette femme? Non, c'était la Bible dit un démon de Python. C'était un démon qui prophétisait par la bouche de cette femme. C'était pas le Saint-Esprit. Ce que le démon disait était vrai. Donc ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu t'a révélé quelque chose de secret dans ta vie que c'est forcément Dieu, que c'est forcément le Saint-Esprit. Attention, Satan connaît aussi ta vie. Satan peut aussi te révéler les choses de ta vie. Cette femme qui disait que Paul est homme de Dieu, Il annonce la voie du salut. Elle ne connaissait pas Paul. Mais le démon qui habitait en elle connaissait Paul. Le démon te connaît. Et comme le faux homme de Dieu travaille aussi avec les démons, ce sont ces démons qui vont le renseigner sur ta vie. Ils vont lui parler des choses de ta vie. Et lui va te dire, c'est comme à Aubervilliers. Un faux homme de Dieu venant de Côte d'Ivoire, il veut prouver aux gens qu'il est homme de Dieu. Il dit, oh, bon, il y a des personnes qui ne croient pas à mes prophéties. Madame, madame, madame, vous me connaissez. Il a pointé le doigt sur une femme dans l'assemblée. Vous me connaissez, la femme se lève. Non, monsieur, je ne vous connais pas. La salle était comme ça, plein de monde. Bon, le Saint-Esprit me dit que tu as un billet de 10 euros dans ton sac. Ouvre ton sac devant tout le monde. Elle a ouvert. Prends 10 euros. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait que le billet de 10 euros. Et les gens ont applaudi. Oh, il est fort. Mais le diable sait combien tu as dans la poche. Le diable sait combien tu as dans ton compte bancaire. Il le sait. Et les gens tout de suite ont cru que ce faux homme de Dieu qui avait des bagues partout était homme de Dieu. C'est un démon de Python qui lui avait parlé de ce que tu as dans le sac. Ce n'est pas parce qu'il t'a révélé quelque chose de vrai que c'est un homme de Dieu. Faites attention. Si tu as affaire à un homme de Dieu qui drague les femmes, il met les filles enceintes, il se marie, divorce, il fait des adultères, c'est un faux homme de Dieu. Il est tout le temps pointu sur l'argent. On ne doit pas froisser les billets. Il faut poser les billets. Parce qu'il veut voir combien tu poses. Parce qu'il est là pour le pognon. Souvenez-vous que le roi de Sodome, c'est-à-dire le diable, a dit à Abraham, toi tu prends les richesses, moi c'est les âmes. C'est pourquoi vous voyez le faux homme de Dieu, lui c'est l'argent. Il faut que tu poses, pas par 5 euros, pas une pièce. Parce que ça part dans l'affaire, c'est l'argent. Satan prend des âmes, puisque Satan, le pouvoir de faire les miracles lui vient du diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Le faux homme de Dieu va séduire, va attirer vers lui les âmes. D'accord? Et il va demander l'argent parce que ça part dans l'affaire, c'est l'argent. Pendant ce temps, Satan lui va mettre quelque chose dans l'âme. Il va mettre une marque dans l'âme des personnes qui viennent vers le faux homme de Dieu. Ça se passe spirituellement. C'est pourquoi si tu as déjà été voir un faux homme de Dieu, c'est pourquoi si tu as déjà imposé les mains, tu as besoin d'une délivrance. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre le diable et ton âme au moment où le faux homme de Dieu t'imposait les mains. Parce qu'il faut comprendre que la part du faux homme de Dieu, c'est l'argent, et la part du diable dans l'affaire, c'est les âmes. C'est la raison pour laquelle tu n'hésites plus aujourd'hui à donner ton argent à ce faux homme de Dieu. Tu lui donnes ton argent parce que tu es déjà envoûté. Tu es déjà sous le contrôle de ces démons. C'est pourquoi tu le suis partout comme une mouche. Tu regardes que les miracles, tout ce qu'il te dit, tu le fais. Tu es devenu son disciple. Il t'a déjà éloigné de Jésus. Et là, c'est Satan qui te contrôle. Et tu te mets à suivre ce faux homme de Dieu. Tu le suis. Tu ne crois qu'à ce qu'il dit. On peut te dire des choses sur lui. Ça rentre là, ça sort là. Tu es déjà embouté. Et toi qui es parti du bout du monde, tu as pris l'avion pour venir voir le faux homme de Dieu. Je te dis que ta solution, la réponse à ton problème, tu ne l'auras pas. Parce que le diable n'est pas là pour guérir les hommes. Le diable n'est pas là pour faire du bien aux hommes. Jésus a dit, Satan au milieu de vous, pour détruire, égorger et voler. Aucun bien ne vient du diable. Tout ce qui est mauvais vient de lui. Il te hait. Le diable n'a jamais aimé l'homme. Le diable veut une chose pour l'homme, l'entraîner avec lui en enfer. C'est tout ce qu'il a pour l'homme. C'est le diable qui envoie les maladies. C'est le diable qui envoie les difficultés dans ta vie. C'est le diable qui est en train de détruire ton couple. C'est le diable qui est en train de te bloquer. C'est le diable. Il ne te veut pas du bien. Quand il utilise un homme, il lui fait croire que tu es mon serviteur. Oui, mais il l'utilise comme l'hameçon. Comme l'hameçon pour prendre d'autres âmes. Et au final, il va te détruire toi-même. Il se sert de toi pendant un temps. Et à la fin, il va te tuer. Parce qu'il a le pouvoir sur ton âme. Puisque tu as signé un pacte avec lui. Quand tu portes la grosse chevalière là, il y a déjà un pacte entre toi et le diable. Ton âme l'appartient déjà. Si tu veux faire de la musique la musique, tu sois connu pour être populaire, il prend d'abord ton âme. Tu veux être un grand sportif, il prend d'abord ton âme, il ne fait rien gratos, rien. Donc, bien-aimé, pour résumer, si tu viens de te convertir, tu es nouveau converti. Prie le Seigneur. Dieu a suscité des serviteurs. Ils ne sont pas nombreux, mais ils existent. C'est pourquoi je disais, ce n'est pas parce que les faux billets existent que le vrai billet de banque n'existe pas. Donc, il faut prier, quel que soit là où tu te trouves, Seigneur, s'il y a Paul ici ou ton serviteur, Simon, Pierre, conduis-moi vers lui, parce qu'il faut que tu sois nourri pour ta croissance spirituelle. C'est important, parce que si tu n'es pas suivi par Simon, Pierre, par l'apôtre Paul, tu vas retourner dans le monde, parce que tu n'es pas spirituellement nourri. Donc la solution, c'est de tu ne sais pas de couper avec toutes les églises, aller s'asseoir. La solution, je ne te dis pas d'aller dans n'importe quelle église pour être membre de n'importe quelle église. Ce n'est pas ce que je te dis. Je te dis seulement prie. Parce que quelle que soit la zone où tu te trouves, il y a un Simon-Pierre que Dieu a suscité pour paître ses brebis. C'est ce que je te dis. Ce Simon-Pierre existe, même s'il y a des milliers et des milliers de faux hommes de Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut te conduire vers Simon-Pierre. C'est pourquoi il faut prier. Et quand tu vas prier, Dieu va te guider. Donc ne reste pas à la maison, tu n'es même pas spirituellement nourri. Tu vas mourir spirituellement et tu retournes dans les boîtes de nuit. Tu retournes à l'alcool, à la cigarette. Parce que tu n'es pas nourri. Donc c'est ce que j'étais en train de vouloir te dire. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.